Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler des dates clés à retenir jusqu'au scrutin des élections européennes qui a lieu donc le 9 juin 2024 en France. Oui, car il est important de retenir que nous sommes dans une année d'élections. Tout à fait, du 6 au 9 juin 2024 se dérouleront les 10e élections européennes. D'ici là, un certain nombre d'échéances et de dates butoirs sont à connaître pour que les électeurs comme les candidats puissent se préparer au scrutin dans les 27 États membres de l'Union européenne. Et quelle est la première échéance ? Alors à partir du lundi 15 avril 2024, les chaînes de télévision et stations de radio devront décompter les temps de parole alloués aux candidats des différentes listes dans leurs programmes diffusés. Contrairement à l'élection présidentielle qui implique une période de stricte égalité dans le temps de parole pour les différents candidats, l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, s'en tient à un principe d'équité pour toute la campagne des élections. L'égalité est en effet compliquée à appliquer pour les radios et les télévisions en raison du nombre important de listes candidates. Elles étaient 34 lors du scrutin précédent en 2019. Du 22 au 25 avril 2024 aura lieu la dernière session plénière au Parlement européen. Oui, ce sera le clap de fin pour les 705 députés européens de la 9e législature, donc 2019-2024. Le jeudi 25 avril 2024, ils suspendront ou achèveront leurs travaux au Parlement européen après 5 années de mandat. Concernant les électeurs, quelle date est à retenir ? Alors le 3 mai 2024, qui est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales françaises, une démarche qui peut s'effectuer directement auprès de la mairie de sa ville ou encore plus facilement en ligne grâce à un portail. A noter toutefois que pour les inscriptions et changements en ligne, la date limite est fixée au 1er mai 2024 et pas au 3 comme en physique. Mais dans tout ça, quand commence la campagne ? Alors, la campagne commence officiellement le lundi 27 mai 2024, à minuit 00. 2 semaines avant les élections européennes en France, donc, la campagne officielle débutera dans le pays. Même si, dans les faits, celle-ci se sera déjà largement invitée dans le débat public et dans les médias depuis plusieurs semaines. On a déjà eu des débats sur certaines chaînes de télévision. À partir de cette date, les emplacements d'affichage de propagande électoraux seront mis en place et utilisables par les candidats. La campagne officielle durera jusqu'au vendredi 7 juin, minuit. Lui succédera la période de réserve qui débutera le samedi 8 juin à minuit. La période de réserve, justement, c'est quoi ? Alors, le vendredi 7 juin 2024 à minuit se clôturera la période de campagne officielle pour les élections européennes en France. La distribution des documents électoraux sera alors interdite. La période de réserve débutera le samedi 8 juin à minuit et pendant 2 jours, la veille et le jour du scrutin, il est interdit de diffuser tout message ayant le caractère de propagande électorale. Donc la campagne connaîtra un temps mort politique et médiatique au cours duquel les candidats et acteurs politiques devront rester silencieux. La règle s'impose également aux médias, aucun propos politique, aucun sondage et aucune estimation en lien avec le scrutin ne devront être diffusés par la presse écrite et numérique, la radio ou la télévision française. Cette période s'arrêtera pour les partis politiques comme pour les médias le dimanche 9 juin 2024 à 20h, moment où tomberont les premières estimations des résultats du scrutin des européennes. Merci Adam, nous allons marquer une petite pause dans votre émission Europe On Air avec le duo Les Frangines et le titre Liberté. Nous nous retrouvons tout de suite après. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faible, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, liberté, liberté. Je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, pour te connaître. Liberté. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe on Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle des dates clés à retenir avant le scrutin des élections européennes. Et si on ne peut pas se déplacer pour voter, comment fait-on ? Alors la procuration permet de faire entendre sa voix lors des élections, même lorsqu'on est dans l'incapacité de se rendre physiquement aux urnes. Il suffit de choisir un électeur à qui l'on confie son vote, qui se rendra au bureau de vote à votre place justement. Cette procuration doit être réalisée en amont du scrutin, une démarche qui sera facilitée pour ces élections européennes. En effet, un décret publié au Journal officiel à la fin du mois de décembre prévoit que si l'électeur effectue sa procuration en ligne via le site internet maprocuration.gouv.fr, il n'aura plus besoin de se rendre physiquement au commissariat ou à la gendarmerie pour faire valider celle-ci, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc c'est particulièrement facilité juste à se rendre sur le site internet du gouvernement. maprocuration.gouv.fr. Exactement. Enfin, quelle est la date la plus importante à retenir ? Alors évidemment, le 9 juin, date du scrutin, donc il n'y a qu'un tour, donc n'hésitez pas à vous déplacer. À l'heure où nous parlons, peux-tu nous dire l'état des sondages ? Alors à 3 mois du scrutin, la liste Rassemblement National arrive en tête du scrutin avec 30%. Devant Renaissance, le Modem et la liste Horizon, la liste de la majorité présidentielle, conduite par Valérie Ayé, qui est à 18%. La liste socialiste du parti de place publique de Raphaël Glucksmann arrive en troisième position, 13%. Devant la France insoumise, 8%. Les Républicains et la liste écologiste, 7%. Et la liste reconquête de Éric Zemmour à 6%. Le pouvoir d'achat apparaît comme l'enjeu le plus important dans le choix de vote des Français, 52%. Devant l'immigration, 39%. Et la santé, 33%. Les équilibres seraient donc bouleversés au Parlement européen. Oui, le principal enseignement concerne le poids des différents groupes politiques au sein du prochain Parlement européen. Le Parti populaire européen, PPE, devrait conserver sa casquette de premier groupe avec 177 sièges selon la projection, contre 178 aujourd'hui. Ensuite, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates resterait la deuxième force à Strasbourg avec 136 élus, moins 4 qu'actuellement. C'est derrière que l'étau se resserre, trois groupes se tiendraient dans un mouchoir de poche. Renew Europe, avec une projection de 85 sièges. Donc Renew, c'est le groupe où siège la majorité présidentielle française. Qui perdrait 17 sièges. Il y aurait aussi Identité Démocratie avec le Rassemblement National, groupe où siège le Rassemblement National, avec 81 députés, et les conservateurs et réformistes européens avec 76 élus. Donc ce serait le groupe où siégerait Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Les écologistes perdraient quant à eux 17 sièges, passant de 72 à 55 après le scrutin de juin, tandis que le groupe de la gauche au Parlement européen compterait 42 élus contre 37 à ce jour. Les non-inscrits, enfin, verraient leurs effectifs gonflés de 19 membres, passant de 49 à 68 élus. Merci Adam. Le 9 juin, la date est notée. C'était la chronique Europe on Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.